Fanny Clare, tu te laveras. Tiré de l'hebdomadaire illustré du Monde du Travail du 20 février 1920. Livre audio gratuit, lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Elle est significative, l'aventure survenue à cette jeune institutrice de province. Dans un hameau perdu, dont on ne nous donne pas le nom et c'est fâcheux, elle voulut apporter du nouveau. Armée de toute sa conviction de la nécessité de l'hygiène, elle se permit de faire à ses écolières une leçon sur l'intérêt qu'elle pourrait trouver à se laver le corps, même en hiver. Mal lui en prit, mal lui en survint. Elle reçut un beau jour une lettre indignée. Le père d'une de ses élèves lui écrivait ce qui suit. « Mademoiselle, je vous aviserai que j'ai interdit à ma femme de laver les enfants durant l'hiver, et je veux savoir si c'est moi qui commande chez moi ou si c'est vous. Je vous engage à ne plus m'ennuyer à ce sujet. À la montagne, nous n'avons pas l'habitude des villes. Être les trois quarts du temps dans l'eau, c'est-à-dire être amphibie, et crever ensuite anémique. » Je pense que les autres parents approuvèrent hautement ce brave homme qui, tout comme le charbonnier, désirait être maître chez lui. Et j'espère que la malheureuse institutrice ne s'occupe plus, à présent, de la couche de crasse qui embellit ses élèves et les empêche de devenir amphibies. Cette histoire serait infiniment drôle s'il était possible d'assurer qu'elle est unique, s'il n'y avait que le hameau dans la montagne pour craindre les habitudes des villes. Là-dessus, il commet une légère erreur, ce brave homme de père, dont les enfants, au cours de l'hiver, ne subissent l'affront de l'eau ni de la savonnette. Les habitants des villes ne passent nullement les trois quarts de leur vie dans un milieu aquatique. Il est à cela plusieurs raisons. La première, soit dit en toute aménité, est qu'une quantité considérable de citadins, sans partager entièrement la phobie du montagnard à l'égard de l'utilisation de l'eau, approuvent quelques restrictions. Ceux-là ne vont pas jusqu'à la négation totale des bienfaits du bain, mais ils considèrent que se laver le visage une fois par jour, les mains deux fois au plus, constitue un état de propreté parfait. Quant à l'ablution totale, elle est réservée pour les grandes occasions. La seconde raison, et celle-ci peut être invoquée comme circonstance atténuante en faveur des mêmes citadins, est que la ville se montre peu propice à l'hygiène. Nos logements se prêtent mal aux invocations du père de famille de la montagne. La salle de bain, qui devrait être une obligation, si succincte qu'elle pourrait être, simple appareil à douche si l'on veut, reste un luxe assez rare. Quant aux piscines, il est certain que chaque quartier devrait en posséder une. Combien en compte-t-on dans Paris? 3 à peu près. Les samedis, on n'y fait que, tout comme pour aller contempler les exploits de Judex. Dire que nous sommes un peuple sale serait exagéré. Pourtant, l'étonnement d'une Américaine de nos amis, qui ne put en France trouver pour sa fille une pension possédant une salle de bain à l'usage des élèves, n'est point très flatteur pour nous. Cette Américaine suscita d'ailleurs autant de surprise qu'elle en éprouvait. On n'avait jamais entendu parler d'une demande à ce point extravagante. En France, les hôtels ressemblent aux maisons d'éducation, qui ressemblent aux logis des particuliers. On n'y cultive guère le cabinet de toilette confortablement installé. Heureusement, les voyageurs n'ont pas le mauvais goût de réclamer le bain quotidien. C'est une coutume de haut luxe. Mais il se pourrait qu'un jour, les locataires exigent de leurs propriétaires la succincte installation permettant la douche quotidienne. Car en vérité, je vous le dis, l'émancipation morale est, avant le pain de l'esprit, affaire de baignoire et de savon.